Bonjour, ici Valérie Levé et Marie-Claude Dionne, et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Quel est le rapport entre la hauteur maximale d'un arbre, la circonférence des cratères sur la Lune, les oreilles d'un éléphant et le temps de cuisson d'un rôti de bœuf? Toutes ces grandeurs répondent à la loi des échelles. Les lois d'échelle, c'est le sujet de l'émission de ce soir, un sujet propice à de multiples anecdotes insolites dans le monde animal, en astronomie et même en alimentation. Valérie, qui sont nos chroniqueurs ce soir? Alors, ce soir, pour parler de ces sujets insolites, effectivement, nous avons deux duellistes qui vont parler en duo des lois d'échelle. Deux duellistes habitués de Futur Simple, que les auditeurs connaissent bien. Il s'agit de l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé au département de physique de l'Université Laval, et le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite du département de biologie de l'Université Laval également. Alors, bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie. Bonjour Cyril. Bonjour à tout le monde. Alors, les lois d'échelle, en fait, c'est une expression qui peut peut-être faire un peu peur à certains. Donc, pour l'introduire en douceur, je proposerai des exemples assez simples, illustrés, qu'on puisse imaginer. Et Jean-René, vous aviez deux exemples quand même assez simples sur la hauteur des arbres. Donc, par exemple, vous dites que les arbres ont une hauteur maximum de 100 mètres. Pourquoi donc? En fait, c'est une question qu'on s'est posée depuis longtemps, mais Galilée y avait répondu. Et son idée, c'était de comprendre qu'un arbre est sujet à la force de gravitation de la Terre. Et donc, il va avoir un certain poids. Plus l'arbre va être haut, plus sa masse va être grande, parce que son tronc et ses branches et son feuillage, éventuellement, vont atteindre un poids qui va être relié en quelque sorte à la hauteur et à la surface de l'arbre, le produit des deux, donc une espèce de volume ici. Mais que la force de l'arbre va dépendre en fait du diamètre du tronc, une certaine puissance, donc à la section efficace de ce tronc. Donc, finalement, il avait calculé que ces limites que l'arbre pouvait supporter en poids et allait être déterminé par la section efficace, sans connaître la nature de la fibre du bois à l'époque. Et il avait prédit que la hauteur maximale d'un arbre sur Terre serait de l'ordre de 100 mètres. Mm-hmm. Et maintenant, on sait que l'arbre le plus grand qu'on a sur Terre, c'est le grand séquoia de la Californie, qui a 105 mètres. Ah oui! Donc, et c'est un arbre qui doit faire probablement pratiquement 100 tonnes de poids. Oui, puis pourtant, c'était. Qui ça donc? C'est pas Galilée? Oui, Galilée. Oui, Galilée qui avait. Il n'a sûrement pas vu ces arbres gigantesques. Non, il ne connaissait pas. Et d'ailleurs, il ne devait pas connaître d'arbres aussi grands, je crois, dans son environnement. Non, j'imagine que non. Donc, il avait bien compris la relation entre la taille, la forme, la surface et le volume. Exactement. Donc, il y a quelque chose une relation que, par exemple, si on regarde chez nous de grands arbres, comme une grande épinette noire ou blanche qui atteint une trentaine de mètres, en fait, elle va avoir un tronc proportionnellement plus petit que celui du séquoia. Parce que l'arbre a moins de poids, mais il y a une relation qui relie, à mesure qu'on fait augmenter la taille de l'arbre, le diamètre du tronc va augmenter. Et il n'augmente pas linéairement. Il n'augmente pas proportionnellement à la hauteur. Il augmente avec une certaine loi de puissance à laquelle on va revenir. Qui est la même pour tous les arbres. Exactement. Tous les arbres. C'est constant. Ouais. Et donc, en fait, la puissance, on va y revenir, c'est à la puissance 3/8. Très précisément, en plus. Puis, il y a un autre exemple aussi dans le monde animal que vous vouliez utiliser pour introduire ce concept des lois d'échelle, c'est celui de la durée de vie des mammifères. Ah, ça, c'est quelque chose qui nous amènera peut-être sur un sujet beaucoup plus complexe et ça m'a frappé. D'ailleurs, beaucoup du sujet qu'on aborde ce soir, je me suis renouvelé dans mes connaissances à la lecture d'un livre extraordinaire publié par un physicien théoricien qui s'appelle Jeffrey West, un livre qu'il a publié l'année dernière qui s'appelle Scales et qui est fort intéressant. Et un des points qu'il soulevait, entre autres, qui touche toujours le domaine de la nature des organismes vivants, c'est que si on regarde la durée de vie de tous les organismes, qu'on aille du plus petit, prenons les mammifères, le plus petit mammifère qui est, par exemple, la musaraigne, qui pèse quelques grammes, à l'éléphant, qui doit peser à peu près 30 tonnes et tout. Ce qu'on voit, c'est que les durées de vie de ces, en années, mesurées en années, ces animaux varient beaucoup. Oui. La musaraigne, je ne sais pas, c'est sûrement probablement de l'ordre de quelques mois ou de l'année. L'éléphant peut vivre aussi longtemps que nous. Mais une chose qu'il réalise qui était constante parmi tous ces animaux, c'est le nombre de battements de cœur pour une durée de vie complète, qui est toujours de l'ordre de 1 milliard. Après 1 milliard de battements de cœur, c'est fini, tout le monde y passe. Donc simplement, la musaraigne va le faire un peu plus vite. Oui, mais il y a toutes sortes de raisons. C'est ça, battement de cœur, évidemment, de l'oiseau, de la musaraigne, c'est beaucoup plus rapide. Et aussi, il y a des questions métaboliques sur lesquelles on va revenir. Donc, il y a des choses ici, et il y a des choses qui sont reliées à des relations d'échelle extrêmement importantes. Même s'il y a une variation en nombre d'années de longévité, il y a des constantes à travers les systèmes que sont les organismes vivants, comme celui du nombre de battements de cœur qui est vraiment relié à l'usure des systèmes biologiques. Donc ça nous donne deux exemples de lois d'échelle. Et à partir de ces deux exemples, est-ce qu'on peut en venir un petit peu à la concept mathématique? Vous parliez de puissance. Oui, mais c'est ça. Donc en gros... loi d'échelle, c'est comment on relie un paramètre comme la masse de quelque chose à sa dimension. Okay? Donc, comme je l'ai noté tantôt, la relation n'est pas une relation qui est linéaire, dans le sens que si vous doublez la masse, si vous doublez la dimension, la masse ne doublera pas nécessairement. Ou pour en revenir aux exemples qu'on avait, si on double la circonférence du tronc, la hauteur du tronc ne double pas nécessairement. Exactement. Mais plus simplement, la relation mathématique la plus simple qui exprime des lois de puissance comme on les utilise en mathématiques, ce sont des mathématiques qu'on apprend à l'école secondaire. Par exemple, la surface d'une sphère, prenons une sphère, un ballon, est reliée à son rayon de la façon que la surface est égale au carré, est proportionnelle au carré du rayon. Il y a un facteur de relation qui est une constante. D'autre part, le volume de la même sphère, au lieu de varier comme le carré du rayon, varie comme le cube. Donc, dans le premier cas, on a une loi de puissance à la puissance 2. Donc, l'exposant mathématique qui relie les deux le rayon au paramètre qu'on décrit, la surface. Donc, c'est l'exposant. Donc, c'est une loi de puissance à la 2. Et dans le cas du volume, c'est une loi de puissance à la 3. Donc, on varie comme le cube du rayon. Et ce qui est intéressant dans beaucoup de systèmes qu'on va explorer, c'est que cet exposant-là change dépendant de ce qu'on regarde. Mais on va pouvoir regarder des ensembles de systèmes où ça s'appliquera à travers des variations d'un organisme, que ce soit son poids par rapport à son métabolisme, qui sont à la même relation mathématique. Donc, ce sera toujours, par exemple, la puissance 1.5, ou à la puissance 2, ou à la puissance 3, qu'on regarde un organisme de 1 gramme ou une baleine de 100 tonnes. Voilà, c'est ça. Donc là, pour en revenir encore à cet exemple sur l'arbre, la puissance, là, c'était 3/8. Donc, c'est un peu plus compliqué pour les gens. Ça veut dire que ça n'augmente pas comme le carré, et ça, finalement, ça ne monte pas proportionnellement linéaire. C'est plus faible qu'une relation directe linéaire. linéaire. Oui, mais ça nous donne quand même l'idée de ce que c'est que cette loi. Puis là, il y a que ces lois-là. Et donc, il y a toutes sortes d'applications, et notamment des applications assez curieuses. Et je me souviens, une fois, Cyril nous a dit que c'était très intéressant, ces lois-là, pour savoir, pour les gourmands qui aiment manger beaucoup de croûtes de pizza. Eh oui. Racontez-nous ça, Cyril. Mais c'est pour le même genre de raison. C'est que la circonférence varie en fonction d'une longueur, exposant 1. La surface de la pizza varie en fonction du rayon, donc un rayon au carré. Ce qui fait que pour une grande pizza, si on prend une grande pizza, par exemple, de 12 pouces, il y a une certaine surface en pouces carrés. Mm-hmm. Je l'utilise en pouces parce que je pense qu'on continue à acheter la pizza en pouces. Si on prend la même quantité de surface, le même nombre de pouces carrés de pizza, mais en deux petites pizzas, j'ai calculé rapidement que ce serait des pizzas d'à peu près 8 pouces, donc il y aurait 40 % plus de croûte, 40 % plus de circonférence. Sur deux petites pizzas, une même surface? Pour la même surface. Donc, sur deux petites pizzas plutôt qu'une grande. Donc, avis aux amateurs de croûte, si vous préférez la croûte, il faut acheter davantage deux petites qu'une grande. Bon, voilà une bonne leçon à retenir pour les amateurs de croûte. Puis, on peut rester dans le domaine culinaire parce que, Jean-René, vous aviez aussi un exemple sur le temps de cuisson des morceaux de viande. C'est quand même assez curieux, finalement. C'est pour ça qu'il y a des anecdotes assez insolites. Hein? Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est un autre bel exemple que même intuitivement, on a adopté un peu dans nos comportements ces lois de puissance. Et souvent, vous vous êtes posé la question, vous achetez une pièce de bœuf ou une dinde, et vous regardez la recette, et on réfère le temps de cuisson à pour un poids donné, ou parfois on va vous dire si le poids est double, on essaie de vous donner des petites règles et tout qui pour vous aider. La chose qui est claire, c'est que si vous avez par exemple une dinde de 10 livres ou 10 kilos, si votre recette vous décrit le temps de cuisson pour cette pièce de viande, et vous achetez et vous avez en main une dinde de 20 livres ou 20 kilos, donc de deux fois plus de poids. La question que vous allez vous poser, est-ce que le temps de cuisson sera le double? Il ne sera pas le double. Mm-hmm. Le temps de cuisson pour atteindre avec votre thermomètre qui mesure la température à l'intérieur devra être 1,6 fois plus long que pour la dinde ou le rôti qui est de deux fois moins. Donc, le temps de cuisson n'augmente pas linéairement, il augmente un peu moins que linéairement. Je dirais que 1,6, ce serait un exposant de l'ordre d'à peu près 0,75 là, dans la relation de puissance. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple ici là, qui nous met un peu sur la piste de l'importance, au fond, de ces relations de puissance qu'utilise en fait, non seulement intuitivement, les cuisiniers et nous-mêmes quand on fait la cuisine, mais aussi les gens qui construisent des choses, des édifices et tout, etc. La grosseur d'une poutre, quand vous achetez des clous chez le quincaillier, probablement vous pensez de la même façon quand vous achetez soit vos clous ou soit vos boulons, dépendant de la masse que vous voulez retenir. Donc, c'est partout ce genre de relation-là. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est rarement linéaire. Deux fois plus ne veut pas dire deux fois plus de l'autre chose. Ouais, donc, si on a un morceau de bois deux fois plus long à tenir avec des clous, ça ne veut pas dire qu'il faut deux fois plus de clous. Exactement. Peut-être qu'il en faudra plus. Le type de clous devra avoir des propriétés qui ne sont pas deux fois les propriétés en longueur et en diamètre de clous de celui que vous avez utilisé pour une plus petite pièce. Ouais. On va revenir à ça dans un autre exemple où la linéarité ne s'applique pas. Et on comprend qu'il faut dévier de la linéarité en exploitant cette puissance qui peut être plus grande qu'un ou plus faible qu'un. Peut-être qu'on peut revenir dans le monde animal, parce que Cyril m'avait dit qu'il y avait toutes sortes aussi de relations, d'exemples de lois d'échelle. Quand on regarde la relation entre la surface et le volume, et qui aurait été finalement jusqu'à exercer une pression de sélection pour faire qu'on ait des poumons d'une certaine forme ou même un cerveau d'une certaine forme. Expliquez-nous ça. Absolument. Oui. Comme je disais tout à l'heure, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est la relation géométrique simple, inévitable, inviolable, entre la taille, la forme, la surface et le volume. Donc, le volume, à chaque fois que pour un objet de même forme, à chaque fois que la surface double, le volume triple. Mm-hmm. Donc, on se retrouve dans la situation difficile de faire correspondre la surface et le volume. Et dans le cas d'un organisme... C'est très important, je veux juste intervenir ici, parce que ce que Cyril dit, c'est fondamental. Quand on regarde en doublant en grosseur, mais aussi si on regarde un objet qui est trois fois plus petit, donc son volume va diminuer beaucoup plus vite que la surface. Donc le rapport surface-volume augmente quand on devient de plus en plus petit rapport à ce que s'écrit devient décrit. Ouais. Très, très important. Et pour un organisme vivant, on comprend l'importance de ça, parce qu'un organisme vivant est un système ouvert qui doit puiser des éléments de la chaleur, de la lumière, de l'oxygène, de l'eau, etc., dans l'environnement. Et tous les échanges avec l'environnement se font par une surface, et ces échanges doivent nourrir tout le volume. Oui. Du corps de l'animal. Donc, on comprend très bien qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. Alors, dans le domaine de la respiration, par exemple, je pense à un cas chez les vertébrés. Presque tous les vertébrés ont soit des branchies, si on est des poissons, ou ont des poumons. Mais il existe une petite espèce de salamandre qui est de la taille de mon petit doigt, et un peu plus petite, qui est un vertébré qui n'a ni poumons, ni branchies. Et il fait comment? Parce qu'il respire par la surface cutanée. Ouais, l'animal est tellement petit et allongé que tous les points de l'intérieur de son corps sont proches de sa surface. Donc, par simple diffusion de l'oxygène et la diffusion du CO2 qui sort du corps, ça suffit pour lui permettre de respirer. Mais aussitôt qu'on grandit l'animal, la surface est toujours en retard par rapport au volume, parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on double la surface, on triple le volume. Donc, la sélection naturelle a dû bricoler des structures qu'on appelle des poumons ou des branchies, qui décuplent la surface dans un volume donné. Alors, par exemple, la surface du corps d'une personne est environ 2 mètres, mais la surface de l'ensemble des alvéoles des poumons, c'est au moins 100 mètres carrés. C'est la surface d'un terrain de tennis. Ouais, Donc, on a multiplié, la sélection a multiplié par 50 la surface de contact avec l'air sans augmenter le volume, et sans augmenter la surface externe de l'animal. Donc, c'est un bricolage extrême qui permet d'avoir chacune des alvéoles du poumon a une grande surface par rapport à son volume parce qu'elle est tout petite. Puis là, la sélection naturelle n'a pas fait de mathématiques pour aboutir à cette solution-là. Non, mais si on regarde l'évolution des poumons à partir des poissons anciens, il y a des poissons du genre qui existent encore qu'on appelle les dipneuses, des poissons à poumons qui ont à la fois des branchies et des poumons. Leur poumon est un simple sac sans subdivision. Donc, la surface à l'intérieur du poumon est relativement faible. Mais vous comprenez qu'à partir du moment où on ajoute des aspérités, des détours, des renflements à l'intérieur du poumon, dans un même volume, le même sac est beaucoup plus replié à l'intérieur. Donc, il y a une plus grande surface. Et on peut voir cette évolution-là en comparant les vertébrés. Et chez les mammifères, par exemple, ou les oiseaux, on arrive à une situation extrême où on ne pourrait pas vraiment aller plus loin dans la miniaturisation des alvéoles. Alors, c'est la même chose qui se passe aussi avec les circonvolutions de notre cerveau, parce qu'on multiplie aussi la surface avec toutes ces circonvolutions. C'est ça. Alors, si on regarde des animaux de petite taille, comme les musaraignes dont on parlait tantôt dans un autre contexte, le cerveau est lisse. Le cortex du cerveau est lisse. Mais plus l'animal grandit, le volume augmente, la surface est toujours en retard. Pour compenser, dans une boîte rigide comme le crâne, on est obligé de faire des replis. Et plus il y a de replis, plus il y a de neurones. Plus il y a de neurones, plus il y a de connexions, des synapses. Donc, on imagine que pour avoir un cerveau qui fonctionne d'une façon beaucoup plus élaborée, plus complexe, ça prend un plus grand cortex. Si on ne veut pas doubler ou tripler ou quadrupler le volume du crâne et le volume du cerveau, on est obligé de replier le cortex pour augmenter la surface. Puis là, il y avait des contraintes. On ne peut pas augmenter la surface, le volume du crâne non plus. Sinon, il y a des problèmes à la naissance. On pourrait, mais on va soulever d'autres problèmes. Il y aura d'autres effets pervers. Ouais. Donc, la solution, disons que la sélection a trouvé, c'est de replier le cortex le plus possible, le plisser le plus possible pour augmenter la surface sans payer le prix d'augmenter le volume. Voilà. Parce que si on augmente le volume, la surface est toujours en retard. Donc, on n'a pas solutionné le problème, on l'a empiré. Puis, il y a d'autres applications encore avec notre système digestif. Parce que les intestins, c'est plein de microbillosité, tout ça. Oui, c'est ça. Mais avant ça, il y a un autre exemple que j'avais dans le cas de la respiration qui concerne les insectes. Les insectes n'ont pas de poumons et n'ont pas de branchies. Ils ont un système qui est relativement simple. Ils ont ce qu'on appelle des stigmates le long de l'abdomen et du thorax. Ce sont simplement des ouvertures qui débouchent sur des tubulures qui ressemblent à la trachée de nos poumons, des trachées et des trachéoles qui se divisent de plus en plus. Donc, les insectes sont limités dans leur capacité d'échange d'oxygène et de CO2 par la surface du corps, puisque ça se fait à la surface du corps. Et c'est ce qui limite la taille maximum des insectes. On ne pourra pas... Les insectes qu'on voit dans les films de fiction, là, ils ont 20 mètres de long, c'est impossible. Si ces insectes-là existent, ils ont... J'ai fait la prédiction qu'ils ont des poumons ou des branchies quelconques. Alors voilà, Il y a une taille, comme pour les arbres, est-ce qu'il y a une volume ou une taille maximale? Il y a une taille maximale qui est liée par cette relation de la surface et du volume. Et on connaît des époques géologiques anciennes où les insectes étaient beaucoup plus grands, et on sait qu'à cette époque, la quantité d'oxygène dans l'air était beaucoup plus élevée. Ah! Donc avec 21% d'oxygène comme maintenant, les insectes sont limités dans leur taille maximale. Ouais. Si ils ne changent pas de forme, parce qu'on n'a pas parlé de la forme encore, mais si on change la forme, si on s'éloigne de la forme d'une sphère qui est l'objet le moins exposé à l'environnement, le moins de surface par unité de volume, bien là, on change complètement la situation. Si on pense à des insectes comme les phasmes, par exemple... Ils sont tout en longueur, bien, pour un même volume, ces insectes ont une grande surface. Donc, ils ont solutionné le problème en changeant la forme, en s'éloignant le plus possible d'une sphère, en étant de plus en plus mince et allongé. Oui, donc, effectivement. Et donc... Pour la digestion, on retrouve... Pour la digestion, on a exactement la même chose. À l'intérieur, les parois de l'estomac et l'intestin sont recouverts de villosités qui, pour un même volume, augmentent la surface. On peut observer ça dans notre salle de bain. C'est la même chose que sur une serviette. Si vous regardez une serviette, à peu près sur chaque millimètre carré de la serviette, il y a un petit poil qui est posé, là, une torsade de coton qui augmente, qui multiplie au moins par 10 la surface par rapport à... Une serviette qui serait complètement lisse. Alors, dit d'une autre façon, dans ce domaine, il n'y a rien de lisse dans le monde. L'éponge est un peu l'extrême. L'éponge, c'est la même chose. Tout est rugueux, il n'y a rien de lisse. Puis le fait d'être rugueux, c'est un truc pour augmenter la surface, pour faire en sorte que la surface rattrape une partie de son retard par rapport au volume sans augmenter le volume. Rugueux ou poreux, dans le cas de l'éponge. Ou poreux. Mais en poussant plus loin, Cyril, en fait, c'est fondamental dans les organismes vivants. Nous, ça s'applique non seulement aux alvéoles du poumon, cette question de miniaturisation et d'efficacité du transfert qu'on obtient en... regardant de plus en plus petit, où le rapport surface sur volume devient de plus en plus grand. C'est dans le système sanguin ou le système nerveux, c'est absolument extraordinaire. Système sanguin, ce qui se passe. La ramification du système sanguin. Je me souviens d'avoir vu, là, il y avait une exposition qui s'appelait Bodies là, à Montréal, qui venait à Québec aussi. Le spécimen qui m'impressionnait le plus, c'était le spécimen d'une personne où on avait enlevé tous les tissus sauf les capillaires. Et on n'imagine pas la quantité de minuscules vaisseaux sanguins, les capillaires qu'on a partout dans notre corps. C'est ce qui fait qu'aussitôt qu'on s'écorche la peau, ça saigne. Il y a toujours du sang qui est là, qui est disponible. Et dans le cas du système sanguin, il y a une autre adaptation aussi qu'on trouve, c'est que les globules rouges ne sont pas sphériques. Les globules rouges sont aplatis, ressemblent plus à une pizza. Ce qui fait que pour un même nombre de kilogrammes de globules rouges, on a une plus grande surface exposée, ce qui maximise les échanges d'oxygène et de CO2. C'est vrai. Donc, ils sont petits. Parce qu'ils sont petits, la surface est grande par rapport au volume. Et parce qu'ils sont aplatis, la surface est encore plus grande. Est-ce que c'est peut-être complètement différent, mais est-ce que c'est la même chose avec les pattes des geckos qui ont plein de... Finalement, qui augmentent aussi leur surface de contact aussi avec toute leur... C'est pas des ventouses, j'ai oublié ce que c'était, mais c'est un fait. Oui, c'est une façon d'augmenter la surface. Plus la surface est grande, mais plus le contact est en millimètres carrés ou en mètres carrés, plus le contact est grand. On va peut-être faire on a encore plein d'autres exemples insolites, intrigants à vous dévoiler, à vous révéler. Et j'espère que vous allez rester de nous pour les écouter. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause musicale et publicité. Sur CKRL 89.1. Ici Boucar Diouf, vous écoutez Futur Simple à CKRL 89.1. Est-ce qu'on dit point 1 ou... Non, 89.1, c'est exactement ça. Si vous voulez un présent parfait, restez à l'écoute. Vous écoutez écoutez Futur Simple avec Marie-Claude Dionne et Valérie Levé. Et pour ceux qui se joignent à nous, nous discutons des lois d'échelle avec l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé au département de physique de l'Université Laval, et le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite du département de biologie de l'Université Laval aussi. Merci Marie-Claude. Alors on a vu en première partie d'émission que les lois d'échelle s'appliquent à la dimension des arbres, à la volumétrie des poumons ou de notre cerveau, mais elles s'appliquent aussi à la vitesse par exemple, donc et même à la vitesse des poissons, des navires. Jean-René Roy, je pense que vous vouliez... oui, en fait, il y a tellement d'exemples. Oui. et un qui est bien connu en biologie et aussi en navigation, c'est que la vitesse qu'un objet peut avoir dans l'eau est réglée. Donc, tout ce qu'on parle aussi, c'est les contraintes physiques. Hein. Mm-hmm. La gravité, la force des matériaux, etc. La puissance que peut développer un poisson, la puissance d'un moteur qu'on peut mettre sur un bateau. Donc, la vitesse d'un poisson dans l'eau est proportionnelle à la racine carrée de sa longueur. En gros. À la racine carrée de la longueur du poisson. Donc, si vous avez un poisson de 1 mètre de long, il pourra nager à une vitesse de l'ordre de, je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure. Mais si ce poisson est 4 mètres de long, il y aura deux fois seulement la vitesse du poisson de 1 mètre. Ouais. Donc, c'est une relation qui existe aussi pour les bateaux. Mais je me demande comment on fait pour les déterminer, ces relations. Donc, on observe et tout, et c'est plus facile avec des bateaux, avec des moteurs et tout. Et justement, cette relation de vitesse des navires, et c'était connu anciennement, ou ça s'applique aussi à un sous-marin, par exemple, parce que généralement, c'est toujours le même système de moteur et qu'il faudra aussi booster dépendant de la longueur. Mais il y a toujours cette limite qui va faire en sorte que cette relation d'échelle, elle est maintenue entre la vitesse que vous pouvez atteindre et la longueur du navire. On est comme prisonnier de la relation. On est prisonnier, mais en même temps, c'est un outil extraordinaire. Les gens, et ça se fait encore par les modèles mathématiques, c'est qu'on sait que si on fait un système où on le teste dans un bassin de test, on peut faire avec un modèle d'un mètre et extrapoler un bateau de 100 mètres. Pour, disons qu'on voit avec tel type de motorisation qu'on peut atteindre telle vitesse avec un petit bateau d'un mètre dans un... Et on peut extrapoler si on forme une coque et un bateau de la même longueur, à peu près de la même forme, qui aura quelque chose, une relation qui va extrapoler selon la racine carrée de la longueur. Et il y a toutes sortes de choses aussi. Les racines carrées sont intéressantes. Le pendule qu'on connaît, c'est un objet physique connu, donc le pendule libre, la période du pendule, la période d'un battement complet de pendule, est aussi reliée à la racine carrée de la longueur du pendule, de la corde qui le soutient. Donc, vous voyez ici encore, je vois, il n'y a pas de relation directe physique, mais il y a ces relations mathématiques qui sont comme un peu universelles. C'est quand même surprenant, puis c'est ça, je me demande vraiment comment... Dans la modélisation, on appelle ça des relations d'autosimilarité, donc on teste un système, soit en soufflerie et tout, à petite échelle, et la connaissance de ces relations d'échelle nous permettent de construire ensuite l'objet, réelle, un plus gros modèle ou le vrai objet à grandeur. Et de dimensionner sa capacité de moteur, etc. Mais d'ailleurs, on appelle ce type de travail analyse dimensionnelle. Et alors, sur Terre, Cyril, est-ce qu'il y a aussi une relation? Parce que là, on parle des poissons, des navires dans l'eau, mais sur Terre, il y a aussi des contraintes. Les animaux ont un certain poids aussi. Est-ce que ça impose aussi une contrainte et une relation d'échelle sur leur force, sur leur déplacement? Oui, absolument. La relation qui nous intéresse le plus ici, c'est la relation entre la force et la masse d'un animal. La force est fonction d'une surface. Donc, d'une longueur linéaire au carré. Alors, par exemple, si on prend un biceps, si vous prenez votre biceps et vous faites une tranche transversale, essayez pas ça à la maison. Non, je ne fais pas ça souvent, moi. On fait une tranche transversale. La grandeur de cette surface est un estimé du nombre de fibres musculaires, donc de la force. Donc, la force du muscle est fonction d'une surface. La masse du muscle et de l'ensemble de l'animal est fonction d'un volume, donc d'une longueur au cube. Ce qui fait que quand on passe d'une souris ou d'une fourmi à un éléphant, la masse a augmenté beaucoup plus vite que la force, parce que le volume a augmenté beaucoup plus vite que la surface. C'est ce qui explique en partie pourquoi une fourmi est capable de transporter 10, 15, 20 fois sa masse parce qu'elle est, elle est évidemment, en thème absolu, beaucoup plus faible, beaucoup moins forte que l'éléphant, mais en thème relatif, elle est beaucoup plus forte que l'éléphant. Mm-hmm. L'éléphant peut soulever des grandes masses, mais il ne peut jamais soulever 3 fois sa masse ou 4 fois sa masse. Il ne peut même pas soulever la moitié de sa masse. Mm-hmm. Et ça explique aussi un mode de locomotion qui est par saut. Ben oui, c'est ce que je pensais. Ou une sauterelle. Ouais, on surprend toujours de voir la hauteur que les sauts, les souris, puces sont capables de faire. Souris. Ces animaux peuvent sauter 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 fois leur longueur corporelle, mais un éléphant ne peut pas sauter du tout. Il ne peut pas sauter 1 centimètre. Il doit toujours avoir une patte ou 2 pattes à terre. Il est toujours collé au sol. Il ne peut absolument pas sauter. Donc, il ne peut pas courir non plus. Mm-hmm. Si on pense à la définition de la course, c'est une démarche où à chacun des pas, il y a au moins un instant où on ne touche pas au sol. Si on pense à la différence entre la marche olympique et la course, dans la marche olympique, il y a des arbitres qui surveillent des marcheurs. Et s'il y a une fraction de seconde où ils ne touchent pas par terre, ils sont pénalisés. Disqualifiés. Puis après 2 ou 3 fois, ils sont disqualifiés parce que on peut courir beaucoup plus vite qu'on marche. Mm. Donc, l'éléphant ne peut pas courir. Il peut marcher rapidement. J'ai été poursuivi par des éléphants sur le terrain. Je peux dire qu'ils peuvent marcher rapidement, mais ils ne peuvent pas courir, selon cette définition. C'est ça. Ils font peut-être quand même des grandes enjambées. Donc, je reviens à toujours ce concept que la masse augmente selon le cube de la taille de l'individu ou de l'animal. Et la force pour le propulser, le faire marcher et tout, est plutôt selon le carré des choses. Mmh. Et c'est toujours une continuation de l'arbre de Galilée. Ben voilà, donc, c'est ça, exactement. Exactement. Et l'autre chose, Cyril, j'aimerais ça que t'entendes commenter sur la grosseur des pattes au fur et à mesure qu'on passe d'un petit animal à un gros animal. Ah oui, bien sûr, c'est encore disproportionné parce que la capacité de résistance d'une patte, la capacité de support d'une patte est fonction d'une surface, la masse est fonction du volume. Donc, la patte de l'éléphant est disproportionnée en circonférence, en surface de transversale, par rapport aux pattes d'une souris ou aux pattes d'une sauterelle. Mm-hmm. Tant qu'on reste sur Terre, avec la gravité qu'on connaît sur Terre. Ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on se projette sur la Lune? Est-ce que les arbres vont faire plus que 100 mètres? Bon, rappelez-vous les images des astronautes qui ont foulé la Lune dans les années, à partir de 69, ça va faire bientôt 50 ans, et 70. Rappelez-vous leur marche et leur saut. Et même un astronaute qui avait frappé une balle de golf. Et en effet, la gravité de la Lune étant 6 fois plus faible, et on parlait de masse, c'est plutôt le poids qui doit être soutenu. Donc, le poids de l'arbre va être 6 fois plus faible. Et c'est une belle façon de perdre du poids, Jean-René, sur la Lune. C'est coûteux. Coûteux, mais ça marche. Si l'arbre a évolué avec le même type de fibre et la même force des matériaux du point de vue moléculaire qu'ici, un arbre, un séquoia sur la Lune, fera 600 mètres. C'est ça, oui. Donc, comme tel, comme vous pourrez sauter 6 fois c'est plus ça, haut c'est ce que vous demandais. Sautez ici. Ouais, donc, ouais. Jusqu'à un certain point, dans l'imaginaire, on pourrait imaginer que beaucoup de choses seraient possibles à une échelle plus grande. Sauf qu'il y aurait d'autres contraintes qui apparaîtraient soit pour des raisons parce que la biologie ne se serait pas déroulée de la même façon qu'ici, et surtout on peut extrapoler pour d'autres planètes comme telles. Mais une chose qui est étonnante, pour revenir, c'est que la hauteur des montagnes dans les objets du système solaire est à peu près toujours la même. C'est un peu comme les battements de cœur. Donc, les montagnes sur la Lune ne sont pas 6 fois plus élevées que les montagnes sur Terre. Donc, c'est relié à autre chose que justement force et masse. C'est relié aussi aux processus qui sont il n'y a pas la tectonique des plaques, il n'y a pas le volcanisme qu'il y a ici. Et aussi, il y a probablement certaines contraintes de la physique qui font en fait, qui contrôlent un peu la hauteur des montagnes dans le système solaire, que ce soit les Pingo glaciers de Pluton, qui sont de l'ordre de 3000 mètres, Mm-hmm. Ce qui est quand même pour c'est, un petit ouais. objet très grand. Les montagnes qui sont Mars, dans... elles sont pas gigantesques. Oui, ça va bien comme sur Terre. Sont, oui, c'est le plus grand volcan du système solaire. Il est sur Mars. Ouais. Il est plus élevé qu'ici un peu. Donc, ça, c'est l'effet de gravité. Mm-hmm. Mais en gros, les montagnes ne seront pas en proportion de la gravité telle que reliée à la Terre. Il y a une espèce de constance là, qui est reliée à d'autres facteurs. Donc, c'est pour vous montrer un exemple où la loi de puissance ne joue pas nécessairement. Il y a d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes. On va revenir un petit peu sur Terre, mais à la fin de l'émission, je pense qu'on va retourner à nouveau sur la Lune. Mais là, on va revenir encore un petit peu sur Terre, sur le monde animal, parce qu'il y a encore... Bon, on a vu qu'il y avait des applications, des lois d'échelle sur les échanges, bon, pour la respiration, par exemple. Mais il y a aussi des applications sur la thermorégulation, qui est finalement une autre forme d'échange, mais un échange de chaleur. Mais il y a aussi des exemples, là, de la loi d'échelle pour la thermorégulation. Comment les animaux sont froids, sont chauds, quelle forme ils prennent? Est-ce qu'il y a des maximums, des volumes maximums qu'ils peuvent prendre? Oui, absolument, absolument. Bien, dans le fond, le cas le plus intéressant, peut-être, c'est le cas des animaux comme nous et les oiseaux, les mammifères et les oiseaux, c'est-à-dire qu'on appelle endotherme, homéotherme. Endotherme, c'est-à-dire que la source principale de chaleur vient du métabolisme interne. Mm-hmm. Homéotherme, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir une température corporelle constante. Dans le cas d'un animal comme nous, endotherme, homéotherme, les échanges de chaleur se font par la surface, mais la production de chaleur se fait par le volume. Donc, on voit que là, il y a une relation absolument importante. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une taille minimum pour un endotherme, homéotherme. Les plus petits endothermes, homéothermes, les plus petits mammifères et les plus petits oiseaux, les musaraignes et les colibris, ne peuvent pas peser moins de 2,5 grammes. Mm-hmm. En bas de 2,5 grammes, la surface est tellement grande que les pertes de chaleur ne peuvent pas être compensées par la production de chaleur. Ouais. Donc, ouais. Donc, on ne pourrait pas imaginer un mammifère ou un oiseau de la taille d'une sauterelle, par exemple. Mm. Il ne pourrait pas maintenir sa température constante. Évidemment, si l'animal est ectotherme, et il laisse la température corporelle fluctuer selon l'environnement. Donc, l'ectotherme, ça veut dire qu'il s'abreuve de la chaleur extérieure. La chaleur extérieure. Mmh. Et il est aussi poïcoïlotherme, si vous voulez l'expression. C'est-à-dire que la température corporelle varie en fonction de la température ambiante. Ouais. Mais là, il n'a pas ce problème-là parce qu'il laisse la température baisser, comme un serpent ou un lézard, par exemple. Mais quand le lézard arrive au matin, si la nuit a été fraîche, il doit attendre que le soleil le réchauffe pour pouvoir s'activer. Mmh. Donc, nous, on n'a pas ce problème-là. Mais le prix à payer, c'est qu'on a, on a des déperditions de chaleur considérable par la surface de la peau. Mm-hmm. Donc, ça, c'est au bas de l'échelle, chez les plus petits. Chez les plus grands, comme les baleines, par exemple. Mm-hmm. Les baleines, on pourrait penser, souffrent du froid dans les eaux glaciales, en Antarctique, par exemple. Oui. Mais c'est le contraire. Les baleines, leur problème majeur, c'est des problèmes de déperdition des excès de chaleur. Ce qui fait que chez les baleines, on trouve des adaptations vasculaires. Parce qu'elles n'ont pas assez de surface pour évacuer toute la chaleur. Le volume est tellement grand que la surface, le rapport surface-volume est défavorable dans ce qu'on a. D'ailleurs, la baleine est le plus grand animal qui ait jamais existé. Mm-hmm. Ouais, et le plus grand poids. Ouais. Peut être aussi grand parce qu'il est en microgravité ou en apesanteur, en flottabilité nulle sous donc, l'eau. Donc, les plus grandes baleines, au fond, 100 tonnes. Les plus grands dinosaures, c'est le bronchiosaure, c'était 22 tonnes. Mm-hmm. Alors, la baleine, pour se départir des excès de chaleur, a développé, c'est pas la sélection naturelle, encore une fois, qui est la responsable, a développé des systèmes vasculaires à contre-courant dans les nageoires et dans la queue. Qui, comme nos échangeurs de chaleur dans les maisons, si on a un échangeur de chaleur, c'est un système à contre-courant qui fait que le sang qui sort, le sang artériel qui sort vers l'extérieur est refroidi par le sang veineux qui vient... Ah oui! Il y a vraiment échangeur de chaleur. Et il y a aussi ce qu'on appelle des rétés mirabilés en latin. C'est des réseaux artériels. Ça ressemble un peu au capillaire, mais c'était, encore une fois, une multiplication considérable de la surface du sang qui est exposé, qui permet de dissiper les excès de chaleur. L'éléphant a le même problème. L'éléphant a un problème de déperdition de chaleur, d'où l'explication des grandes oreilles. Mm-hmm. Les oreilles sont grandes, sont minces, donc une grande surface, elles sont très richement vascularisées, et l'éléphant bat les oreilles dans l'air. Plus il fait chaud, plus le rythme de battement des oreilles est grand. Donc, c'est comme un radiateur ventilé que sont ses oreilles. L'hippopotame, qui est un cousin, lui, n'a pas besoin de grandes oreilles parce qu'il est toujours dans l'eau. Oui, Il sort seulement la nuit pour brouter, donc il ne sortira pas au soleil. S'il s'expose au soleil, la peau est très sensible, il va être complètement défavorisé et il va avoir un problème d'absorption de chaleur. Il va cuire. Ouais. Il va cuire comme la dinde de tantôt. Là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait alors pour ces dinosaures, ce bronchiosaure là, qui pesait 22 heures? Parce que lui, c'était un reptile. C'était un reptile. Oui. Je ne peux pas parler de la thermorégulation. population des dinosaures. Mais une chose qu'on peut parler, c'est toujours revenir au rapport du poids qui varie comme la masse, donc le cube, et le rapport de la force qui varie comme le carré de la section efficace des membres. En fait, ce qui a limité probablement la taille des dinosaures, les plus grands animaux à avoir foulé le sol sur la Terre, la terrestre, c'est finalement qu'il y a une limite à une grosseur, d'abord le métabolisme qui va être capable de alimenter ce système-là et le faire marcher, le faire bouger probablement, qu'il ne pouvait pas courir, mais aussi que faut pas que lorsqu'il tombe, qu'il se fracasse, parce que s'il est très grand, c'est le risque qu'il court. Puis il faut qu'il soit capable d'alimenter par la bouche, qu'il n'y a pas un volume immense là, par rapport au reste du corps. Donc, ces contraintes-là s'appliquent à tous les aspects. Donc, si on revient à la thermorégulation, l'essentiel de la question est la suivante. Et le suivant, c'est si on veut conserver la chaleur, on essaie de ressembler le plus possible à une sphère. Pensez à un loup ou à un chien qui se roule en boule. Pas pour rien, il veut minimiser la surface exposée. Au contraire, si on veut dissiper de la chaleur, on ressemble le moins possible à une sphère. On s'étale. On fait un bâton. On s'allonge. On fait une feuille. On fait une feuille avec des prolongements. Ouais. Et on voit ça chez l'humain, les différentes populations humaines. Ouais. Par exemple, si on compare les guerriers Maasai de Tanzanie ou du Kenya aux Inuits, les Inuits veulent conserver leur chaleur, donc ils sont courts et trapus. Les doigts sont relativement courts, alors que les Maasai sont longs, sont allongés, sont très, très minces, les pattes, les jambes très fines, les bras très fins. Donc, ils essaient de ne pas ressembler le moins possible à une sphère pour pouvoir disperser la chaleur. Oui. Des applications sur la physionomie humaine, finalement. Eh oui. Alors, on va retourner dans l'espace, sur la Lune, parce qu'il y a aussi des applications donc, de ces lois d'échelle sur la dimension des cratères. Donc là, les cratères sur la Lune sont formés par des météorites. Par des impacts qui arrivent avec une certaine énergie et la dimension du cratère, entre guillemets, va dépendre de l'énergie. L'énergie qui est l'énergie cinétique de l'objet qui frappe, qui est, disons, le produit de la masse et de la vitesse au carré. Mais c'est l'énergie cinétique qui va, en quelque sorte, créer la cicatrice et le cratère. Donc, on sait, c'est établi, même vérifié avec des explosions nucléaires, lorsqu'on pouvait faire des tests de bombes atomiques dans le désert du Nevada, ce que les Américains aimaient beaucoup faire, que la dimension d'un cratère, son diamètre, varie avec le cube de l'énergie. Comme tel. Donc, c'est-à-dire que vous devez, si vous voulez faire un cratère deux fois plus grand, deux fois plus profond, deux fois plus large, alors devoir avoir une explosion ou un astéroïde qui aura huit fois plus d'énergie. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer que le cratère qui a causé peut-être la disparition des dinosaures a été causé par son énergie. Parce que, en fait, même on peut aller assez loin parce qu'on sait à peu près les vitesses que les objets ont en arrivant à proximité de la Terre. Et donc, on peut déduire finalement la masse qui était là. Et connaissant les propriétés de densité en général des météorites, on a une idée de diamètre qui devait être de l'ordre de peu près 12 km, mais qui avait une vitesse de l'ordre de peu près 50 km à la seconde. Donc, on peut voir, on peut faire toute cette analyse-là aussi sur les cratères de la Terre, Lune. Et aussi les cratères qu'on retrouve sur Terre, comme celui qu'a créé le bassin de la Manicouagan, le cratère de Charlevoix, qui est la moitié dans le fleuve et tout. Donc, ces relations diamètre s'appliquent indépendamment de la force de gravité. Ça n'a rien à voir avec la force de gravité. Donc, ces cratères-là ont une physique de création qui est toujours cette relation entre diamètre et la racine cubique de l'énergie, que vous soyez sur Pluton, sur l'astéroïde Cérès, sur la Lune ou ici. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples de dimensionnement comme ça d'objets dans l'espace? Parce que bon, là on parle des cratères, mais après tout il y a des étoiles qui sont pas distribuées uniformément dans l'espace, donc il y a même des galaxies qui sont pas uniformément distribuées. Donc est-ce qu'on retrouve comme ça une loi d'échelle La plus belle sur la taille des galaxies? La taille des galaxies, c'est plus complexe. Il y a une certaine loi d'échelle plus sur la luminosité, mais la relation la plus importante en astrophysique, c'est ce qu'on appelle la fonction initiale de masse des étoiles. Comment si vous formez des étoiles à partir de grands nuages de matière interstellaire, et ça se produit, ça s'est produit depuis toujours, ça se produit maintenant, ça va toujours se produire, en tout cas jusqu'à un certain temps. Donc, les étoiles se forment à partir d'effondrements, d'unités, de nuages, de poussière et de gaz, qui à un moment donné créent des centres de condensation et la matière s'effondre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand ce phénomène se produit, les étoiles vont se répartir en masse. Donc, c'est pas comme nous, quand une maman donne, ou un animal, un mammifère donne naissance à des bébés, tout le monde va à peu près avoir la même masse ou le même poids. Mais quand on prend une image interstellaire qui va faire des centaines, des milliers d'étoiles, on va se rendre compte qu'il va y avoir une distribution d'étoiles. Donc, le nombre ne sera pas le même selon la masse. Si on prend, et la loi est assez universelle, non seulement dans notre galaxie, mais dans les autres galaxies. Si on prend le Soleil comme référence, on le voit par observation, et maintenant, on comprend un peu la physique, qui va avoir à peu près 250 fois plus d'étoiles qui sont 10 fois moins massives que le Soleil. Il va en avoir 250 fois moins qui vont être moins massives que le Soleil. Donc, il y a beaucoup moins d'étoiles plus massives que le Soleil. Il y a beaucoup plus d'étoiles moins massives que le Soleil. Donc, les petits sont plus nombreux. Et selon une loi, la puissance est de l'ordre de la puissance 2.35. Et puis, est-ce qu'on a l'explication à cette distribution? Jusqu'à un certain point. Il y a deux choses, c'est relié au processus de formation d'étoiles, donc c'est relié à la turbulence qui existe dans le nuage, donc qui va se mettre à se fragmenter, des processus qui vont créer des unités de différentes masses, de différentes grosseurs, de différents moments angulaires. Donc, c'est là que va se faire cette distribution en masse. Mais ce qui est plus compliqué, c'est quand une étoile se forme, elle va se débarrasser d'une bonne partie de la masse qui pourrait lui tomber dessus. Et plus elle est massive, plus l'étoile va se débarrasser de masse environnante. Donc, il y a peut-être ça qui fait qu'on n'en a pas tant que ça d'étoiles très, très massives. Et il y a aussi des propriétés à l'échelle atomique, donc qui dépendent de la composition de la teneur en éléments lourds dans l'étoile qui vont affecter ce processus de formation. Mais la loi d'échelle, elle est extrêmement bien déterminée et qui fait qu'on a beaucoup moins d'étoiles plus massives que le Soleil et beaucoup plus d'étoiles moins massives que le Soleil. Donc, c'est une loi d'échelle est bien établie, mais elle est plutôt empirique que bien expliquée du point de vue physique. C'est observationnel. Là. On fait la constatation. Mais il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête pour essayer de l'expliquer. Je vois un lien qui n'est probablement pas rapport, comme on dit. C'est un peu la même chose pour les mammifères ou les animaux en général. Il y a beaucoup plus d'animaux plus petits que nous que plus grands que nous. Ça revient toujours aux limites physiques que nous impose l'environnement. C'est plus compliqué de faire un gros objet qu'un petit objet. Probablement, oui. Puis et on le voit parce que l'étoile plus massive, elle expulse à peu près tout autour d'elle. Donc, il est possible, par exemple, que les étoiles 10 fois plus massives que le Soleil n'aient pas de planète. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une loi aussi sur la distribution, la taille des bâtiments? Il y a des grands bâtiments et des petits bâtiments. Donc, Il y a sûrement quelque chose qui rentre en jeu. La force structurelle qui dépend du diamètre des matériaux qu'on utilise vont faire une limite. Il y a une limite à la hauteur des édifices qu'on peut faire, à moins qu'on se mette à leur mettre des hélices pour qu'elles se supportent avec l'air ambiant. Oui, si on fait un gratte-ciel de 100 km de haut, la base va être large. Exactement. Donc, et d'ailleurs, ce sera impossible pour des raisons que l'arbre va atteindre une hauteur maximale. On le sait à peu près, je pense que les ingénieurs parlent d'hauteur maximale d'à peu près 1 km pour les édifices, et on voit qu'on atteint probablement ces hauteurs-là. Où il y a d'autres effets, l'oscillation face au vent, etc. Ça devient plus pratique. Tous ces exemples dont on a parlé, ça me fait penser aussi à ce qu'on appelle les fractales, plus particulièrement avec les poumons, parce que là, on visualise que ça ressemble un petit peu à ce découpage là pour aller chercher le plus de surface possible. C'est comme finalement les fractales. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre absolument. Les lois? Absolument. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, et d'ailleurs, c'est un aspect que développe beaucoup West dans son livre, surtout pour analyser tant le système biologique, où il y a cette ramification, donc le système des alvéoles, le système de la distribution du sang, le système nerveux, c'est des dimensions, ce sont des systèmes de fractales. La dimension fractale, mm-hmm. elle est élevée. Et juste pour donner une idée, là, par exemple, quand on parle de dimension fractale, l'exemple le plus simple, c'est de parler du découpage des côtes de certains continents. Donc, si on compare la côte ouest de l'Amérique du Sud, la Patagonie chilienne, c'est fracturé, c'est fjord et tout. Comparativement à la côte ouest occidentale de l'Afrique du mm-hmm. Sud, mm-hmm. c'est une côte qui est relativement uniforme, au moins à une certaine échelle. Mm-hmm. Donc, la dimension fractale de la côte occidentale d'Afrique, elle est faible. Mm-hmm. C'est pas un système, disons, je dirais, fractalisé, tandis que la côte ouest de la Patagonie, au Chili, c'est la dimension fractale est très élevée. Elle commence à ressembler à des systèmes comme dans le corps humain. Mm-hmm. Mais là, on le voit bien pour des systèmes qu'on peut visualiser physiquement, comme je disais, les poumons. Mais pour d'autres exemples qu'on a vus, on le voit un peu moins. Finalement, c'est une distribution de taille, d'étoiles. Oui. Donc, on imagine un petit peu moins la dimension fractale. Je pense qu'à ce moment-là, dans le cas des étoiles, la dimension fractale apparaît, la question de fractale apparaît probablement dans la structure du nuage moléculaire qui se fragmente initialement. Et ça, c'est intéressant, mais je ne connais pas mm-hmm. de travaux qui ont essayé mm-hmm. de tenter d'utiliser la géométrie fractale pour comprendre ce genre de système-là. C'est un outil plutôt mathématique, mm-hmm. le fractal. Oui, mais c'est très fascinant. Déroutant. C'est très déroutant, cette géométrie fractale. Oui. Une image que je retiens, c'est une feuille de papier, par exemple, c'est une surface. Donc, la dimension fractale est 2. C'est une surface. Oui. Si je prends la même feuille de papier puis je la chiffonne, comme on dit, la dimension fractale, c'est une boule, mais c'est pas tout à fait une sphère. Ouais. Parce mm-hmm. qu'il y a des creux. Il y a ah ouais. des vides, il y a des creux, il y a des pics. La dimension fractale, donc ce n'est plus, une fois que la feuille est chiffonnée, ce n'est plus tout à fait une surface, ce n'est plus tout à fait un volume. La dimension fractale, c'est pas 2 et c'est pas 3, c'est 2,5. Ouais, ouais. Donc c'est très déroutant. C'est fractal. C'est ça, ouais. Ouais. C'est un peu la même chose, la différence entre une pomme et un brocoli ou un chou-fleur. C'est ça. Mais on l'imagine bien avec les poumons. Et je me demandais si on retrouvait cette même dimension fractale avec les autres exemples de lois d'échelle qu'on a vues, dont on a parlé. Donc, les relations masse, thermorégulation avec la masse et la surface du corps. Faudrait voir. Ça ne me surprendrait pas. Ouais. Parce que l'essentiel de la pensée fractale, c'est qu'il n'y a rien qui est lisse, il n'y a rien qui est uniforme. Ouais. Tout est rugueux, tout est découpé. Puis je pense que dans le monde temporel aussi, il y a des distributions fractales dans le temps aussi. Mm-hmm. Bien, je pense que ceci va clore cette discussion. Donc, merci à tous les deux, donc respectivement Jean-René Roy, astrophysicien, professeur associé au département de physique de l'Université Laval, et Cyril Barrette, biologiste, professeur émérite à l'Université Laval, au département de biologie à l'Université Laval. Un grand merci également à Marie-Claude Dionne qui a assuré la mise en onde. C'était donc Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Marie-Claude Dionne et toute l'équipe vous dit à la semaine prochaine. Si vous avez raté des segments d'émission, si vous avez envie de réécouter pour mieux comprendre tout ce qui s'est dit aujourd'hui, bien vous retrouverez cette émission sur notre page Facebook. Et pour le moment, nous vous laissons en compagnie de François Samuel pour Transmission Transversale sur CKRL au 89.1.